Feel the magic in the air. Aïe, aïe, aïe, levez les mains en l'air. Bateau bossé. Sur Radio Bossé, on va bien se marrer. Si tu aimes le rosé, écoute Radio Bossé. Maintenant, le carnet de devinettes. Comment s'appelle une douche sans eau ? La douche. Oui. Next. Quelle différence y a-t-il entre un papillon et un éléphant ? Bah, il y en a un qui est plus gros et l'autre qui est plus petit. Il y en a un qui a des ailes et pas l'autre ? Non. On donne notre langue au chat. Le papillon peut se poser sur l'éléphant, mais pas le contraire. Ah oui. Next. Quel poisson n'a jamais d'anniversaire ? Le poisson d'avril ? Non. Bah, j'aurais dit ça aussi, mais apparemment, c'est pas ça. Quelle est la réponse, s'il vous plaît, madame ? Le poisson pané. Alors, nous, on voit beaucoup de vaches en Auvergne. Elle fait comment, la vache ? Mmh. Bravo, elle fait mieux. On voit des moutons. Il fait comment les moutons ? Je crois que c'est pas ça. Comment ils font les moutons ? Justement, qui est à côté de nous. Si t'es un bébé, écoute Radio Bossé. C'est pas d'emblée. Chers amis, bonjour ! Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en Auvergne, à Superbès, et je vous présente l'édition spéciale des Jeux des 1000 euros. Voici notre premier candidat. Je laisse vous présenter. Bonjour, je suis Jean-Pierre de Murol, j'ai 22 ans. Bonjour Jean-Pierre, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis vulcanologue. Oh, ça va être des questions faciles pour vous. Alors, nous sommes partis. Première question, quel est le fromage phare des Auvergnats ? Le Saint-Nectaire. Bravo! Deuxième question. À quelle altitude culmine le puits de Sancy? Pour un vulcanologue comme vous, ça va être un petit peu facile. Bah, normal, je travaille sur le terrain en plus du puits de Sancy, du coup c'est 1886 mètres. Oh, vous êtes très très fort Jean-Pierre. Troisième question. Écoutez bien, qui du puits de Sancy ou du puits de Dôme est le plus haut? Sancy. D'accord, donc... Et à 1886 mètres. D'accord, et savez-vous... Et le dôme est plus petit, car 1465 mètres. Bravo, vous êtes très très fort, vous êtes très très fort. Enfin, avant-dernière question, question blanche. Quelle vallée borde les puits de l'Angle et le puits de Surin ? Attention, trois propositions. La vallée de Chaudefonds, la vallée de Chaudefour... La vallée de Chaudefour. Bravo, vous n'attendez même pas la dernière question. Normal, proposition. Parce que je suis aussi sur ce terrain-là. Oh, trop facile pour vous. Enfin, dernière question, peut-être la plus difficile. Il y aura une question de rattrapage si vous vous trompez. Quel est le plus grand volcan du monde ? Mauna Loa à Hawaï. Bravo, monsieur Jean-Pierre de Murol, mais vous êtes exceptionnellement fort. Donc vous gagnez 1000 euros et que vous recevrez peut-être jamais chez vous. Au revoir et à bientôt, si vous le voulez bien. Si t'aimes manger tes crottes de nez, écoute Radio Bossé. Bonjour à tous, nous sommes donc en région Auvergne et je suis allée à la rencontre de Sidonie, dont son nom de famille est Polly, fromagère à Besse. Elle va nous raconter la naissance d'un fromage vraiment goûteux. Bonjour. Je vais du coup vous raconter le fromage, la fabrication du fromage Saint-Nectaire. La fabrication du Saint-Nectaire remonte au temps des Arvènes, la même époque qu'Astérix et Obélix. Ah oui ! Son nom vient d'une célèbre famille vivant dans la région du Moyen-Âge. Le Saint-Nectaire est un fromage à lait moelleux à pâte demi-ferme avec une croûte nature grise ou orange. Mais comment c'est fait ? Le vrai Saint-Nectaire est fabriqué à la ferme matin et soir après la traite des vaches. Le lait de vache est versé dans un moule est transformé dans de liquide. Ils deviennent solides. C'est le caillé. Ensuite, on ajoute un peu de sel, on presse et on démoule une semaine au frigo. Un mois à la cave et voilà, le Saint-Nectaire est prêt. Ça doit être excellent, avec un bon pain frais de notre campagne et du vin de la région, non? Oui, c'est très impressionnant, mais je dirais quand même que vous pourrez quand même nous expliquer encore un peu plus. Le savais-tu? Louis XIV lui-même mangeait du Saint-Nectaire. Oh, c'était un gourmand, ce Louis XIV. Peut-être, hein, mais bon. Et nous avons reçu une petite question de la petite fille Camille. Pourquoi le fromage, il sent si fort? Dans la pâte du fromage et sur la croûte, il y a des milliers de minuscules bactéries. Tu ne le vois pas. C'est normal, elles sont microscopiques. En fait, ce sont ces bactéries qui sentent fort. Quand tu sors le fromage de son papier, et donc leur odeur qui vient te chatouiller les narines. Ah oui, d'accord. Et est-ce que ça fait pareil avec les pieds de ma petite sœur parce qu'elle sent le fromage? Non, parce que ce n'est pas un fromage. Ah bon, d'accord. Merci. Juste une autre petite question. Comment avez-vous pu gagner cette place si haute pour faire le fromage Saint-Nectaire? Le Saint-Nectaire est fabriqué dans le volcan d'Auvergne entre 750 et 1200 mètres d'altitude. Il... D'accord, donc c'est pour ça que vous êtes aussi haut. C'est pour faire du super bon fromage parfumé. Merci beaucoup. À bientôt, madame. Et à bientôt, monsieur et madame qui nous écoutent. Au revoir. Si t'en as marre de bêcher, écoute Radio Bossé. Secret d'histoire. Bonjour à tous, nous allons retrouver Stéphane Bern dans les montagnes d'Auvergne. Il va nous présenter donc le château de Murolles. Je lui cède la place. C'était donc Lily de la Folie. Merci les bons plans pour un reportage en Auvergne. À vous Stéphane. Bonjour à tous, bonjour. Je vais vous parler du château de Murolles, dont le seigneur était normalement un certain Guillaume. Il y a 600 ans, grâce à ses archives, et avec l'aide de dernières connaissances archéologiques et historiques, la visite et les animations font rencontrer les habitants du château en 1420. Il y a 600 ans exactement, après la visite du cellier qui abrite les provisions du château, on traverse l'étude de Guillaume, son bureau, et la chambre de sa femme, Guyotte de Tournon. C'est un drôle de prénom. Oui, c'est vrai. Sur la lice, Jacques, le fils cadet de Guillaume, s'entraîne pour le combat. Il va rejoindre le dauphin Karl en révolte contre son père, le roi Charles VI, par la traité de Troyes, signé le 21 mai 1420. Charles VI a décidé désigner le roi d'Angleterre comme son héritier à la place du dauphin. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur Guillaume de Murolles, s'il vous plaît, et son château? Ah oui. Alors, ce château a été bâti à partir du XIe siècle. Guillaume de Murolles en devient seigneur en 1383. Il le resta jusqu'à sa mort en 1440. Revenant de la guerre, il tient son journal en notant scrupuleusement tous les événements et les comptes de la seigneurie. Aucun autre château ne se dispose d'un tel document en France. En plus, ce château il est plutôt exceptionnel parce que de ses fenêtres, nous pouvons voir un magnifique panorama. C'est vrai, car dans le parc des volcans d'Auvergne, le château de Murolles jouit d'une situation spectaculaire sur un promontoire basaltique. Balsatique ?